une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, nous parlons aujourd'hui de la réédition du livre du Père Aman pour lire les Pères de l'Église, une réédition aux éditions du Cerf, un livre très important, un manuel de patristique extrêmement important, un condensé de renseignements sur les Pères de l'Église et surtout de textes patristiques, ce que je trouve être une très grande qualité. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Guillaume Badi, vous êtes chargé de recherche au CNRS, à l'Institut des sources chrétiennes. Vous êtes également chargé de cours à l'Institut catholique de Paris et surtout, si je puis dire, pour parler de ce sujet aujourd'hui, vous êtes membre de l'association Migne, vous coordonnez des cours de patrologie dans la série Nos Racines, vous avez des filiations également avec le Père Aman, même si vous l'avez pas connu personnellement. Alors, je vous demanderai pour commencer de parler un tout petit peu de lui. Oui, bonjour. Oui, le Père Aman est mort à 90 ans en l'an 2000. Il a une très belle vie derrière lui, on l'appelait même l'abbé Migne du XXe siècle, tellement il a été fécond. Il a en effet eu beaucoup d'importance à Vatican II pour le renouveau liturgique. Il avait beaucoup étudié les prières des premiers chrétiens dans les années 50 et il a participé à la commission post-conciliaire sur la liturgie. Et puis ensuite, il a eu l'occasion de compléter la patrologie de l'abbé Migne, qui date du 19e siècle, en publiant les 5 volumes de suppléments, 5000 pages tout de même. Il a fondé également des collections de textes des pères enfin lisibles en traduction française, dans les collections Ictus, Lettres chrétiennes d'abord, et puis un peu plus tard dans la collection des pères dans la foi, au sein de l'association Migne qu'il a fondée avec quelques amis. Et il a longtemps enseigné à Rome, à l'Institut Augustinianum, et d'une certaine façon, le livre dont nous parlons aujourd'hui est le fruit de cet enseignement pendant toute sa vie. D'ailleurs, en le lisant, on comprend bien qu'il est écrit à des fins pédagogiques, ce qu'il réussit parfaitement parce que non seulement c'est par étapes, même si ce n'est pas complètement chronologique toujours, c'est pas grave, au contraire même, c'est autour toujours de sujets importants, autour de Paul très importants. Et je crois que c'est pour une première approche des Pères de l'Église, est un manuel très très très important. Il s'y connaissait très bien, comme vous venez de dire. Nous allons essayer de parler un peu de ce livre. Avant tout, comme cette édition est présentée comme revue et augmentée par vous-même, je voudrais vous demander quel a été votre travail. J'ai d'abord essayé de respecter le plus possible le texte, la parole du Père Aman. J'ai peut-être un peu réorganisé en mettant certains éléments pédagogiques plus à la fin, on pouvait plus facilement les retrouver. J'ai présenté les pères au début dans l'introduction de façon plus homogène, de façon que le lecteur puisse lire le livre comme il ouvre un roman. Et j'ai fait refaire des cartes qui permettent précisément, puisque le plan du livre est en partie géographique, de s'y retrouver tout de suite. Les pères de l'Église ont des noms un peu bizarres, puisque on les nomme, comme vous le savez, d'après l'Église dont ils sont évêques souvent. Par exemple, Théodore de Mopsueste. Savez-vous où est Mopsueste? Eh bien, cette carte vous informe que Mopsueste se trouve en Syrie et non loin de la Turquie actuelle. Et j'ai essayer également de compléter les éléments d'information. Je voulais pas en faire une encyclopédie où on aurait tout dit, puisque ça aurait précisément été antipédagogique, mais citer quelques noms de pères qui manquaient ou quelques noms d'œuvres. Et puis dans les éléments pédagogiques, il y a quelque chose d'assez remarquable dans le livre du Père Aman. C'est une page qui s'appelle « Quelques dates du renouveau patristique ». Il me semble important de montrer effectivement avec le Père Aman que les pères ont eu une grande importance dans l'histoire du christianisme, pas simplement à leur époque, mais après, l'étude des pères a permis un certain renouveau dans le christianisme. Et donc, ces deux pages, que j'ai essayé de compléter également, me paraissent assez précieuses. Et puis, évidemment, j'ai mis à jour la bibliographie, présenté un tableau chronologique unique et non pas dispersé dans les divers chapitres, de façon que le lecteur est une vue à la fois simple et à peu près précise. Des outils pédagogiques, voilà. Donc, qui sont très utiles en effet, avec les cartes, avec les tableaux, avec tout ce qui permet d'avoir une approche synthétique un peu au début pour comprendre ou pour pouvoir placer un père côté chronologique ou côté géographique, ce qui est évidemment très important. Il y a une conclusion également qui est très importante dans l'ouvrage, qui reprend un tout petit peu l'essentiel de ce qui est dit auparavant, sur laquelle j'aimerais insister un tout petit peu avec vous, parce qu'il y a certains points qui sont relevés dans ce texte qui paraissent mettre en exergue vraiment l'actualité, la force et la particularité des pères de l'Église. Alors le paramène, en conclusion, effectivement, se demande pourquoi les pères sont si importants pour un renouveau du christianisme. La première explication qu'il donne, c'est que les pères sont proches des origines. Ils sont évidemment plus proches d'un point de vue chronologique, mais aussi il s'agit d'une proximité, dit-il, psychologique et culturelle. Beaucoup des pères grecs vivent dans le milieu culturel de la Bible elle-même. En ce qui concerne l'Orient, les pères grecs lisent le Nouveau Testament dans le texte, c'est leur propre langue. De même pour la traduction ancienne de l'Ancien Testament, la Septante. Et c'est un point important. Je voudrais citer par exemple un texte de saint Irénée, évêque de Lyon, mais en fait il s'agissait d'un oriental puisqu'il venait de Smyrne en Turquie actuelle. Et il est devenu évêque de Lyon après le martyr de saint Potin en 177. Et il écrivait en grec, c'est l'auteur d'une œuvre fameuse contre les hérésies. Et il explique dans une des lettres son souvenir de l'évêque Polycarpe, évêque de Smyrne, qui lui-même avait connu Jean, je le cite, « Je me souviens mieux de ces temps-là que des événements récents, car les choses apprises dans l'enfance grandissent avec l'âme et ne font qu'un avec elle. Ainsi puis-je dire en quel endroit le bienheureux Polycarpe s'asseyait pour parler, ses entrées, ses sorties, sa manière de vivre, son aspect physique, les entretiens qu'il faisait à la communauté, comment il parlait de ses relations avec Jean et les autres qui avaient vu le Seigneur. » Comment ils rappelaient leurs paroles et quelles choses ils leur avaient entendu dire au sujet du Seigneur, de ses miracles et de son enseignement. Comment Polycarpe avait reçu tout cela des témoins oculaires du Verbe de vie et les rapportait en conformité avec les Écritures. Ces choses alors aussi, par la miséricorde divine qui m'a été faite, je les ai écoutées avec soin, en conservant la mémoire non pas sur le papier, mais dans mon cœur. Et toujours, pour l'amour de Dieu, je les ai véritablement ruminées. Voilà, un texte qui illustre assez bien, qui est cité par le père Aman, qui illustre assez bien la façon dont les pères de l'Église sont effectivement, on les appelle pères parce qu'ils ont fécondé la foi de l'Église ultérieure, mais eux-mêmes sont fils de l'Église, fils des apôtres en l'occurrence, et ce lien, cette proximité avec la foi des apôtres me semble importante. Et là, il faut dire aussi, en ce qui concerne Irénée, nous avons un lien chronologique, bien sûr, parce que c'est un père du IIe siècle, ça remonte très haut, lui-même disciple d'un disciple de Jean, et puis un lien topographique, un lien géographique, puisqu'il venait de l'Asie mineure, de Smyrne, pour montrer que l'Église, qui est une au début, et qui reste une de toutes les manières, à des filiations qui sont tout à fait précises sur la géographie des lieux. Donc nous voyons que l'Église de France en fait a des racines qui viennent de l'Asie mineure, des racines johanniques en ce qui la concerne, et plus spécifiquement évidemment l'Église de Lyon. Je rappelle que vous travaillez aux sources chrétiennes et que vous êtes vous-même établi à Lyon. Et que donc vous êtes dans une ville qui elle-même donc a ses sources dans l'Église des tout premiers siècles. Effectivement, le nom d'Irénée est cher au cœur de tous les Lyonnais, mais je crois que beaucoup de Français pourraient en dire autant de tel ou tel père qu'ils ne connaissent pas forcément. Les Marseillais connaissent sans doute Cassien, par exemple, où il s'est installé à la fin de sa vie. Marseille était déjà une colonie grecque dans l'Antiquité. À Lyon, mais à Marseille aussi, et de façon générale, la liturgie dans l'Antiquité était restée dans la langue originale, si je puis dire, c'est-à-dire le grec. Et puis, le latin est venu un peu plus tard. Un petit extrait donc des conférences de saint Jean Cassien, puisque vous avez parlé de lui, et un hommage à l'église de Marseille, en l'occurrence. Il parle des Écritures. À mesure que, par cette étude, notre esprit se renouvelle, les Écritures commencent aussi à changer de face. Une compréhension plus mystérieuse nous en est donnée, dont la beauté grandit avec nos progrès. Elle s'accommode, en effet, à la capacité de l'humaine intelligence, terrestre pour l'homme charnel, divine pour le spirituel. Et telle qu'il les voyait jadis comme enveloppée d'épais nuages, demeure incapable d'en sonder la profondeur et d'en soutenir l'éclat. Il faut dire aussi que, je ne sais pas si c'est vous-même ou le père Aman, après chaque texte, nous avons la bibliographie et où on peut le trouver. Très souvent, ces textes sont déjà édités par les sources chrétiennes et on peut aller trouver l'ensemble du texte. Et c'est très bien indiqué dans le livre. Donc, c'est une première approche et si on veut continuer l'étude, si on veut approfondir, on peut le faire. Vous donner tous les outils qu'il faut pour continuer l'approche des pères. Nous allons, si vous voulez, continuer dans ce voyage patristique. Alors, puisqu'on parlait de l'intérêt des pères pour aujourd'hui ou pour chaque époque, le père Aman donnait encore une autre raison. On a parlé de la proximité avec les origines du christianisme. Eh bien, il y en a une autre qui fait partie de l'originalité des pères, c'est le fait que ce sont des pasteurs. Il y a une organicité, une simplicité de la théologie des pères qui vient du fait qu'elle est née dans l'action, elle est née dans le contact avec la vie pastorale. Ce ne sont pas des théologiens de laboratoire, ni, comme certains théologiens scolastiques, des moines enfermés dans leur monastère. Et de façon générale, leur spiritualité est nourrie entièrement de la Bible, pour commencer. Donc, voir une dichotomie pour eux, qu'il y puisse y avoir une dichotomie entre les Écritures et la tradition naissante, et la tradition existe déjà pour eux. Le concept émerge déjà dès le Nouveau Testament, mais il ne peut pas y avoir de dichotomie entre les deux. La tradition s'enracine de fait dans les Écritures et tout leur langage se nourrit des Écritures. Ils parlent à la manière des Écritures, parfois sans s'en rendre compte. Et donc il y a quelque chose de très particulier dans la façon dont les pères à la fois inventent un langage qui n'est pas celui des Écritures, tout en parlant le langage des Écritures. Et c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Les pères ont d'ailleurs une particularité qui est souvent peu mentionnée, c'est que les pères sont nourris non seulement des Écritures, mais aussi de la culture classique grecque et romaine. La littérature grecque et romaine, malgré certains reniements de certains pères qui rejetaient assez violemment la culture profane et païenne de l'Antiquité grecque, par exemple, l'ont en fait reprise à leur compte pour exposer la foi de façon plus convaincante et de façon plus efficace face aux hérésies qui menaçaient. Il faut dire aussi que quand on parle de tradition, il y a également une tradition littéraire, évidemment, avec les pères. Il y a ça aussi qu'on peut trouver. Mais évidemment, lorsqu'on parle de tradition ici, c'est plutôt une tradition avec un T majuscule, c'est-à-dire la tradition de l'Église. Et il y a quelques petites phrases au début du livre, juste avant l'introduction, qui indiquent quelle est l'approche de la tradition. Déjà depuis Irénée de Lyon, déjà au IIe siècle, on parlait de tradition. Et il dit, pour voir clair aujourd'hui, c'est-à-dire à son époque, il faut interroger la tradition qui vient des apôtres. Pour eux, la tradition, c'était les apôtres. Et pour nous, la tradition, c'est les pères. Alors Henri de Lubac dit, « Chaque fois dans notre Occident qu'un renouveau chrétien a fleuri, dans l'ordre de la pensée comme dans celui de la vie, et les deux ordres sont toujours liés, il a fleuri sous le signe des pères. » Voilà la continuité et voilà, je crois, le grand message de la patristique en général et de ce livre en particulier, c'est-à-dire qu'avec les pères, nous avons un contact direct, une ligne comme ça qui remonte jusqu'aux origines. Et donc tous ceux qui sont reçus dans la tradition nous assurent en quelque sorte de la non seulement d'une répétition, mais à chaque fois, comme vous avez dit, de manière très féconde, d'une réexplication, d'une présentation nouvelle avec des lumières nouvelles en fonction de l'époque, en fonction du lieu, du message, des Écritures et puis de la tradition en général. On peut continuer ce voyage et avec les points de la conclusion. effectivement, ça rejoint en fait la question de la tradition, puisque, comme le dit le père Aman, les pères témoignent d'une église encore une église indivise. On ne peut pas facilement parler d'une église écuménique, puisque, comme vous le savez, le mot a aujourd'hui un sens différent de celui qu'il avait dans l'Antiquité. Le mot écuménique, dans l'Antiquité, veut dire qu'il s'agit de l'église universelle. Il n'y avait pas besoin d'un mouvement écuménique ni d'un dialogue. On parlait simplement de la grande église. L'Orient et l'Occident étaient intimement mêlés. Les pères ont dû faire face ensemble à beaucoup de menaces qui menaçaient l'unité de l'Église. Ils ont toujours eu à cœur de sauvegarder l'unité, et tout en étant eux-mêmes très très divers. Et c'est un point peut-être important. Les pères sont nombreux. Il y a une pluralité de pères. Les pères qui forment un moment important, particulier de la tradition, sont eux-mêmes pluriels, divers. Et par leur pluralité même, ils font appel à quelque chose qui ne peut pas être une unité simplement humaine. Ils appellent à une source unique. Et il me semble important de parler des pères de l'Église au pluriel. Le mot, d'ailleurs, vient sans doute de l'usage conciliaire. On parle des pères, des saints pères du concile, par exemple le premier concile écuménique, le concile de Nicée en 325. Et de fait, la période patristique couvre à peu près la période des premiers conciles écuméniques jusqu'à Nicée II en 787, donc des origines jusqu'à 787. Il y a un lien intime entre le foisonnement patristique et ces conciles écuméniques qui décide non seulement de la foi, mais d'abord et surtout de l'unité de l'Église. Il y a un autre point très important, je crois, qu'on voit dans ce livre, c'est que parfois on parle de père et on ne connaît pas l'auteur. La tradition a reçu un texte comme un texte tout à fait intégré dans l'enseignement de l'Église, que l'on mentionne souvent, et on ne sait pas qui c'est. Alors on a un titre très souvent, on a un nom, on a quelque chose, on est très attaché à ce texte, et finalement, on ne connaît pas qui a écrit. Un exemple célèbre, la fameuse épître à Diognète, un texte très ancien, dont vous nous lirez un extrait, et qui parle très très bien de la conception qu'ont les chrétiens de ce monde et de leur rôle dans le monde. Je lis un texte assez célèbre. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps, comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps, et pourtant, elle n'est pas du corps. Comme les chrétiens habitent dans le monde, mais ne sont pas du monde. Et plus loin, toute terre étrangère, pour les chrétiens, est une patrie. Et toute patrie, une terre étrangère. Il me semble que ce texte témoigne précisément de l'attitude que certains pères au moins pouvaient avoir vis-à-vis de la société de leur temps, qui était plutôt une société hostile, en tout cas au départ elle n'était pas christianisée, et où l'Église était clandestine, et où le rôle des chrétiens dans la société n'était a priori pas de dominer la société. Et il me semble important de voir la façon dont ce texte permet de développer une théologie des relations entre l'Église et l'État, ou l'Église et le monde, l'humanité en général, dans toutes ses composantes, sans les renier, sans renier ce qu'il y a d'humain. Au contraire, et précisément le côté culturel est important. Comment se trouver dans une société avec sa culture, c'est un thème qui est beaucoup développé aujourd'hui, le rôle des pères de l'Église dans l'acculturation du christianisme dans la société antique. C'est peut-être un modèle pour aujourd'hui. Ce que je voudrais également signaler, vous le donnez en annexe dans le livre du père Aman, c'est la filiation entre ce que nous appelons des textes patristiques et la liturgie. Nous avons souvent dans la liturgie Dans l'Église orthodoxe en particulier, nous utilisons beaucoup de textes liturgiques qui sont écrits eux-mêmes par des pères de l'Église. Très souvent, on ne le sait pas parce qu'on les connaît comme des textes chantés dans l'Église. Et il est donné ici un texte très ancien que nous chantons à l'Église tous les soirs, puisqu'il fait partie de l'office des Vêpres. C'est le fameux Fos Hilaron, Lumière joyeuse, un texte qui remonte très très loin dans le temps, qui est un condensé un tout petit peu de la foi de cette époque, et que finalement la tradition a intégré de cette manière-là, c'est-à-dire dans l'office. Voici le texte, tout le monde le connaît évidemment, mais je le redonne. Lumière joyeuse de sainte gloire, de Père immortel, céleste, saint, bienheureux, Jésus-Christ. Parvenu au coucher du soleil, regardant la lumière du soir, nous louons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes, Fils de Dieu, qui nous a donné la vie, aussi l'univers proclame ta gloire. Voilà donc une autre manière d'être lié au passé et de vivre tous les jours, pour un fidèle, sa relation avec le Père, ou ce qu'on appelle le Père. Nous avons également beaucoup de textes, par exemple dans les matines, qui sont des textes venant de très grands noms de la patristique, puis la liturgie, le pilier de la liturgie orthodoxe, qui est la liturgie attribuée à saint Jean Chrysostome, celle de saint Basile. Nous voyons donc que les pères, c'est pas quelque chose d'éloigné, ce n'est pas quelque chose dont l'étude serait accordée aux érudits. Ça fait partie de la foi vécue de tous les jours. Oui, la lecture des pères aujourd'hui, il faut quand même l'avouer, se heurte à un fossé culturel. Il est parfois difficile pour les traducteurs de bien traduire. Il est évident que la mentalité, le monde a changé. Et pourtant, les textes restent très très lisibles. Et je propose encore un autre texte, excusez-moi si c'est encore Irénée de Lyon, contre les hérésies. Comment seras-tu Dieu alors que tu n'as pas encore été fait homme? Comment seras-tu parfait alors que tu viens à peine d'être créé? Comment seras-tu immortel alors que dans une nature mortelle, tu n'as pas obéi à ton Créateur? Car il te faut d'abord garder ton rang d'homme et ensuite seulement recevoir en partage la gloire de Dieu. Car ce n'est pas toi qui fais Dieu, mais Dieu qui te fait. Si donc tu es l'ouvrage de Dieu, attends patiemment la main de ton artiste qui fait toutes choses en temps opportun. En temps opportun, dis-je, par rapport à toi qui es fait. Présente-lui un cœur souple et docile et garde la forme que t'a donnée cet artiste, ayant en toi l'eau qui vient de lui, et faute de laquelle, en t'endurcissant, tu rejetterais l'empreinte de ses doigts. En gardant cette conformation, tu monteras à la perfection, car par l'art de Dieu va être cachée l'argile qui est en toi. Sa main a créé ta substance, elle te revêtira d'or pur au-dedans et au-dehors, et elle te parera si bien que le roi lui-même sera épris de ta beauté. Ce n'est donc point l'art de Dieu qui est en défaut, mais celui qui ne se plie pas à cet art. Celui-là est cause de son propre inachèvement. La lumière non plus n'est pas en défaut à cause de ceux qui se sont aveuglés eux-mêmes, mais tandis qu'elle demeure semblable à elle-même, ces aveugles sont par leur propre faute plongés dans les ténèbres. La lumière ne subjugue personne de force. Dieu ne violente pas davantage celui qui refuserait de garder son art. Ceux qui se sont séparés de la lumière du Père et ont transgressé la loi de la liberté se sont séparés par leur faute puisqu'ils avaient été faits libres et maîtres de leurs décisions. Le texte est assez riche puisqu'il fait appel à la fois à la création de l'homme dans la Genèse, qui modèle toute la pensée des pères sur l'homme, et avec cette image de l'artiste qui fait appel à une référence beaucoup plus culturelle, cette image de l'argile à sculpter, et cette image aussi de la lumière qui est très importante pour la théologie la théologie johannique, par exemple, que reprend en partie ici Irénée. Mais il semble assez fort qu'un oriental défende ici la déification de l'homme qui, dans les siècles ultérieurs, passera avec beaucoup moins de facilité dans la théologie latine d'Occident. Comment il la présente aujourd'hui en des termes tout à fait acceptables pour le lecteur moderne? C'est la modernité des Perses. Et aussi, il faut insister sur la beauté de ce texte, que vous venez de lire est très beau aussi. Il faut montrer à quel point il pouvait être, et Irénée en particulier là, très juste sur le plan dogmatique, à quel point il exprime bien la doctrine, puisqu'il s'oppose aux hérétiques, il s'oppose à la gnose, il faut dire, quand il écrit, et en même temps nous donner des textes d'une grande beauté poétique. Donc écoutez, il n'y a pas mieux que de lire les Pères directement, et je voudrais pour terminer, d'abord conseiller à tous de commencer leur approche des Pères de l'Église par cet ouvrage du Père Amann que vous avez revu, donc qui vient d'être réédité au CERF, pour lire les Pères de l'Église. Deux mots sur l'association Migne. Oui, l'association donc créée par le Père Amann vise à faire connaître la pensée et les textes des Pères de l'Église par des traductions. Les éditions Migne proposent donc ces textes dans la collection Les Pères dans la foi, dans la collection Bibliothèque aussi. L'association propose aussi donc un cours de patristique par correspondance, Nos Racines. Ce cours est en fait le prolongement de ce livre précisément. Le Père Amann l'a écrit en collaboration dans les années qui ont suivi. Et vous pouvez facilement trouver des informations sur tout cela sur le site web migne.fr, www.migne.fr, ou bien alors en vous adressant au 17 rue d'Alembert, Paris 14e. Pour l'association Migne dont vous vous occupez, en quelque sorte vous avez pris le flambeau après le Père Amann. Vous êtes jeune, j'espère que ça continuera pendant longtemps. Merci beaucoup Guillaume Badi, c'était merci donc pour lire les Pères de l'Église aux éditions du CERF, un livre du Père Amann, une nouvelle édition revue et augmentée par Guillaume Badi. Notre prochaine émission, dimanche 8 juillet, nous recevrons Dominique de Santi sur son livre « La Sainte et l'Incroyante, rencontre avec Mère Marie ». Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Michel Mestre. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75-220 Paris Sedex 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.franceculture.com.